Merci Marie-Carline Chardonnet. Je rappelle que vous étiez en direct du ministère des Outre-mer à Paris pour Réunion Première. Depuis l'annonce de la nomination d'Erika Barecht hier, les communiqués des acteurs politiques réunionnais sont nombreux. La plupart saluent cette nomination. La nomination donc en remplacement de Georges Pollangevin. On fait le point sur les réactions ici à La Réunion avec Bruce Régent. À 49 ans, Erika Barecht. Je me réjouis que pour la première fois, une réunionnaise soit appelée à un poste de ministre. L'aspect inédit de cette nomination est relevé par toute la classe politique locale ou presque. Pour la députée Huguette Bello, c'est peut-être quand même un peu tard. Pour que ça dure au-delà de mai 2017, il va falloir croiser les doigts. Pourquoi pas ? Mais ça va être difficile. La marche, là, elle est courte jusqu'aux élections. Il ne reste que 8 mois. La Réunion compte 840 000 habitants. Il est bien dommage qu'il ait fallu que l'on attende si longtemps. Sur cette question-là, au moins, Nassima Dindar, la présidente du département, est d'accord. Oui, le poids de la Réunion, nous l'avons toujours souligné, les élus que nous sommes. On a souvent trouvé très dommageable que les Antillais souvent soient nommés et qu'on oublie la Réunion. Le vrai enjeu aujourd'hui, c'est de voir si cette nomination profite à l'ensemble des territoires ultramarins et obligatoirement les attentes des Réunionnais vont devenir plus importantes. Erika Barecht saura être à la hauteur, répond Philippe Nayen, le suppléant de la nouvelle ministre à l'Assemblée nationale. Au-delà de sa connaissance des dossiers, elle n'a jamais coupé le contact avec la population. Je rappelle qu'elle est toujours conseillère municipale, donc elle connaît bien les problèmes des familles, des jeunes, les difficultés de nos chefs d'entreprise aujourd'hui. Ça n'empêche pas Hugues Maillot de considérer cette nomination déconnectée de la réalité. Le représentant local de Debout la France y voit même la promotion de l'opportunisme. Dans un concert de louanges, il faut toujours quelques dissonances. Bruce Régent, je vous le disais, si la démission de Georges Pollangevin est une surprise, son remplacement par Erika Barecht semble assez logique. La Dionysienne fait partie du gouvernement de Manuel Valls depuis le mois de février en tant que secrétaire d'État à l'égalité réelle. Retour sur une ascension fulgurante avec Nathalie Hérault. À 49 ans, Erika Barecht vit depuis 6 mois à Paris pour assurer ses fonctions. Nommée au gouvernement Valls depuis février dernier, en tant que secrétaire d'État chargée de l'égalité réelle, elle travaillait depuis déjà plusieurs mois avec la ministre démissionnaire sur le projet de loi Égalité réelle Outre-mer. Elle se définit comme une femme de combat, sensible à la question du racisme. Elle a fait adopter en 6 mois par l'Assemblée nationale le projet de loi Égalité et citoyenneté. Il durcit les sanctions face aux actes de racisme et de discrimination. Elle n'hésite pas non plus à prendre le micro dans l'hémicycle après les propos de Nadine Morano sur la France, pays de race blanche. Nadine Morano affirmait avec un aplomb sidérant que la France est un pays de race blanche. Et pour moi, députée noire de la République, cette France décrite par Madame Morano n'est pas la mienne. Erika Barecht regrettait aussi de ne pas être descendue dans la rue pour soutenir Christiane Taubira lorsqu'elle avait été attaquée. Elle s'est aussi fait remarquer en 2014 en défendant à l'Assemblée nationale une résolution sur les réunionnais de la Creuse. En partie grâce à son travail, une commission existe pour rendre justice à ces enfants déracinés. Et à partir du 4 octobre, le projet de loi Égalité réelle Outre-mer sera en discussion à l'Assemblée nationale. Un projet de loi qui sera examiné en séance publique dans un peu plus d'un mois, le 4 octobre, et sur lequel Erika Barecht, désormais ministre des Outre-mer, devrait garder la main. Médicis sur Réunion Première, la suite du journal, Antoine Garnier. Retour à La Réunion, on part tout de suite au volcan où les pompiers luttent depuis hier soir contre un incendie de végétation. Au lever du jour, ils ont reçu l'appui de moyens aériens. La superficie touchée est comprise entre 6 et 7 hectares. Selon les premières observations, le feu se serait déclaré aux alentours de la table d'observation située près du gîte du volcan. Le gîte a d'ailleurs dû être évacué dans la soirée par mesure de prévention. On rejoint sur place Pierre Komorasamy. Pierre, les pompiers ne peuvent pas encore parler d'un incendie maîtrisé, mais le feu serait fixé. Effectivement, Antoine, pour les pompiers, l'incendie n'est pas totalement maîtrisé. Il est cependant, comme ils le disent dans leur jargon, fixé. En clair, le plus gros de l'incendie est passé. Il reste juste quelques foyers ici et là, dans des endroits inaccessibles à pied et aux engins. Et là, c'est l'hélicoptère bombardier d'eau qui a pris le relais depuis le lever du jour. Il multiplie les rotations entre la retenue collinaire qui se trouve à côté du gîte du volcan et les foyers actifs pour tous les éteindre avant l'arrivée du vent. Le vent d'ailleurs qui a déjà recommencé à souffler ici depuis une demi-heure environ. Toute cette nuit et ce matin, les 35 pompiers mobilisés sur cet incendie n'ont pas ménagé leurs efforts. Malgré l'obscurité, le vent et les difficultés d'accès, ils ont tout fait pour rendre un excellent travail. Et vers 10 heures, lorsque la relève est arrivée, le feu était déjà fixé. sa progression vers la forêt d'un côté et vers le rempart de la rivière de l'Est de l'autre était stoppée. Selon les premiers témoignages des randonneurs qui ont donné l'alerte, le feu est parti à proximité de la table d'orientation qui se trouve près du gîte du volcan, gîte qui a été évacué dès hier soir, vous l'avez dit, mais qui n'a pas été touché, protégé par les soldats du feu. Pierre Komorasamy, en direct du volcan, on suivra évidemment cet incendie. Plus d'informations dans nos prochaines éditions. En bref, cette information qui nous est parvenue ce matin, après la capture d'un requin bulldog de près de 3 mètres lundi soir en face de Boucan dans le cadre du dispositif post-attaque, un autre squale de la même taille a été pêché ce matin dans la baie de Saint-Paul. Il s'agit cette fois d'un requin-tigre de près de 3 mètres donc. Place à l'éclipse de soleil maintenant. Ce phénomène exceptionnel sera observable pendant quelques minutes dans à peine plus de 24 heures, mais son observation s'annonce compromise dans de nombreuses écoles primaires de La Réunion. Quelques communes s'étaient déjà prononcées sur une fermeture des classes ces dernières semaines, les maires évoquant le principe de précaution. Et depuis hier, une nouvelle vague de fermeture de classes a été décidée. Cette fois, c'est la grève des enseignants qui menace l'observation du phénomène par les marmailles. Alors, chers parents, à quoi faut-il s'attendre? Élément de réponse avec Olivier de la Richaudie. À Saint-André, il était question d'un avancement de la pause déjeuner, c'est désormais de l'histoire ancienne. Le nombre de grévistes annoncés a contraint le maire à la fermeture de l'ensemble des écoles. À Saint-Denis, les trois quarts des écoles devront faire face au débrayage. Celui-ci sera même total dans 26 établissements de la commune. Les conditions d'accueil varient donc au cas par cas. Par exemple, à Saint-Philippe, seule l'école du Baril sera ouverte. À Brapanon, pas de cours demain pour les élèves de Narasigan et de la maternelle centre. À Sillaos et à la plaine des Palmistes, pas d'accueil non plus pour les maternelles. Ça vaut aussi pour Petite-Île où le décalage de la pause méridienne est néanmoins maintenue pour les classes de l'élémentaire. Enfin, à Sainte-Marie, tous les écoliers sans distinction seront libérés à 11h. Cet état des lieux ne saurait être définitif. Une réunion a eu lieu ce matin en rectorat pour faire le point sur l'ampleur des désistements. Une autre question reste notamment en suspens, celle des conditions d'accueil dans le secondaire, collège et lycée étant aussi concernés par cet appel à la grève. De nombreux enseignants ont pourtant préparé avec les élèves de longue date l'observation de cette éclipse avec de nombreux projet pédagogique. Depuis la rentrée, sur Réunion Première, le mercredi, nous vous proposons un magazine intitulé « Dans les coulisses de ». Ce soir, il sera consacré à partir de 18h15 aux coulisses de l'éclipse. Nous sommes allés aux quatre coins de l'île pour découvrir comment était préparée l'observation de cette éclipse. Notamment à Saint-Louis, je vous propose d'écouter un extrait du magazine qui sera diffusé ce soir. Loïs Mussard a rencontré des marmailles qui s'apprêtent donc à observer l'éclipse demain. Ça sera notre toute première éclipse qu'on va voir et l'éclipse sera, et la prochaine éclipse, ça sera dans 200 ans. Le 1er septembre 2000, ça y aura une éclipse annulaire. Qu'est-ce qui va se passer ? Un anneau de soleil. C'est le rayon de soleil qui projette sur l'image. La lune va passer devant le soleil, mais le soleil ne voit pas la lune. Le soleil projette la lumière derrière le dos de la lune et nous, on ne voit pas le soleil. Il y a la lune, le soleil et la terre va être groupée en ligne. Le soleil va disparaître, la lune va être devant le soleil. Voilà un extrait du magazine Dans les coulisses de l'éclipse signé Loïs Mussard. Il sera diffusé ce soir juste après le journal à 18h15. Et puis l'éclipse, ce sera également juste après ce journal. Dans un instant, le thème de C'est dans l'actu, les projets pédagogiques autour de cette éclipse. Pourquoi est-ce que ce phénomène est-il bénéfique? On en parle dans un instant, mais tout de suite, on fait un tour de l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de France Info. 24 heures après sa démission, Emmanuel Macron s'en va, Michel Sapin prend sa place, passation de pouvoir en ce moment au ministère de l'économie à Bercy. Michel Sapin qui va donc désormais gérer les finances et l'économie. Alors pour l'épauler dans cette deuxième fonction, un secrétaire d'État va être nommé. De son côté, François Hollande est de plus en plus isolé. Il préside ce matin, comme d'habitude, le Conseil des ministres, mais évidemment c'est sans Emmanuel Macron. On va connaître ce soir le nom de tous les candidats à la primaire d'Europe Écologie Les Verts. C'est aujourd'hui la date limite pour le dépôt des candidatures. Sur France Info, Emmanuel Cos, la ministre du Logement, ancienne patronne des Verts, confirme qu'elle soutient François de Rugy, qui sera opposé notamment à Cécile Duflot. Après Cannes, c'est la ville de Fréjus qui voit son arrêté anti-Burkini invalidé par la justice. Le tribunal confirme la décision du Conseil d'État qui avait jugé l'interdiction de ce maillot de bain pour les femmes musulmanes illégale. Mais la ville de Fréjus, dirigée par le Front National, avait maintenu son arrêté. Et puis le suspense continue au Gabon. Le pays attend les résultats de l'élection présidentielle, des résultats qui devraient tomber dans les heures qui viennent. D'ores et déjà, l'opposant Jean Ping revendique la victoire face au sortant Ali Bongo, la famille Bongo, qui règne sur le Gabon depuis presque 50 ans. Le 12-13 continue avec C'est dans l'actu sur Réunion Première. Bonjour Philippe Dornier. Bonjour Antoine, bonjour à tous. On en parlait dans ce journal, l'éclipse de soleil à La Réunion, c'est demain, on l'a entendu, certaines écoles fermeront leurs portes. C'est dommage parce que pour les marmailles, l'observation de ce phénomène vraiment exceptionnel présente de nombreuses vertus pédagogiques, Philippe. Et C'est dans l'actu va vous en apporter la preuve, Antoine, si vous en doutiez, et ça je sais que vous n'en doutez pas, alors on reviendra sur la crainte de certains profs par rapport à la sécurité, mais on abordera surtout les initiatives prises dans les écoles pour valoriser cette éclipse solaire. Les questions des auditeurs, dès maintenant, faites le 02 62 99 2000. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Cet après-midi, l'intérieur de l'île est peu nuageux et au fil des heures, les quelques nuages de pente s'étalent et débordent progressivement vers la région du port à Saint-Paul, dans le sud sauvage et sur le flanc est du volcan. Les nuages persistent mais sont peu menaçants. Le vent continue de souffler à Saint-Denis et à Saint-Pierre avec des rafales comprises entre 60 et 70 km/h. Et sur les sommets, le vent est un peu moins soutenu et là, les rafales sont comprises entre 50 et 60 km/h. Dans l'ouest, un vent du sud rentre sur les plages jusqu'à Saint-Gilles et la mer reste agitée à forte sur les zones exposées au vent. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Envie de fraîcheur ? Vous avez accueilli ce matin les premiers fournisseurs. Prisca sur Réunion Première, lundi au vendredi sur les étals des marchés de notre île, avec vous. Et la fraîcheur. Faites le plein de saveurs en direct du marché avec Espace Fraîcheur. Retrouvez les avis de décès tous les jours sur Réunion Première à 5h50, 11h50, 13h50 et 17h50. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Attention, à compter du jeudi 1er septembre, la Civis change ses modalités de collecte. Les jours et les fréquences de collecte évoluent. Pour vous accompagner, la Civis distribue actuellement un nouveau calendrier de collecte. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site www.plusbellelaville.re ou appelez le numéro vert au 0800 501 501. Le changement de collecte, n'oubliez pas, c'est à partir du 1er septembre. Moins de ramassage, plus de tri, plus d'avenir. Profitez-en pour avoir les pompettes. Le Pandathlon, c'est une marche pour la Réunion, pour la planète, organisée par le WWF France et la Région Réunion. Le Pandathlon, c'est allier sport, convivialité et le respect de la nature. Alors, allons marcher ensemble pour préserver notre patrimoine naturel. En tant qu'ambassadrice de la nature réunionnaise, je soutiens cet événement qui participe à promouvoir les beautés de mon île. Marche dans notre Gaïa nature, c'est une chance. Alors, nous comptons sur vous, bien en paquet, en pundiak, en quantité pour le Pandathlon. Mais attendez vous. Dimanche 11 septembre, participez au Pandathlon 2016 à Brapanon. Inscrivez-vous jusqu'au 3 septembre sur www.regionreunion.com. Je marche pour la Réunion, je marche pour la planète. Première. Midi 16 sur Réunion Première, l'heure de retrouver Philippe Dornier et ses invités. C'est dans l'actu, se penche aujourd'hui sur l'éclipse solaire avec cette question. Quelles leçons pour les marmailles ? Depuis le début de la semaine, on parle bien plus de l'éclipse scolaire que de l'éclipse solaire. Les unes après les autres, les écoles annoncent qu'elles seront fermées, le plus souvent à cause du manque d'enseignants. Des profs qui affirment qu'ils n'ont pas les moyens de garantir la sécurité des élèves, argument d'ailleurs à la base d'une grève qui gagne du terrain. Fermeture d'école sous la contrainte syndicale, donc dans certaines communes. Alors que d'autres mairies, comme au Tampon, sortent le parapluie pour se protéger, non pas du soleil puisqu'il se cachera derrière la lune, mais se prémunir contre des incidents si les élèves ne respectent pas les consignes. Pourtant, observer cette éclipse reste une occasion rêvée de pratiquer un enseignement concret, de créer du lien entre les leçons apprises en classe et la réalité scientifique. Que peut-on apprendre de ce spectacle de la nature annoncé? Comment le rendre accessible aux enfants? Ces marmailles prennent-ils des risques à regarder le phénomène? C'est dans l'actu sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Réunion Première, Philippe Dornier. 02 62 99 2000 pour toutes vos questions, par SMS également au 06 92 70 2000. Et puis les réseaux sociaux, la page Facebook C'est dans l'actu et pour Twitter, le hashtag CDLA première. Bonjour à nos trois invités, Pascal Schrapfer, bonjour. Bonjour. Référent Eclipse au rectorat. James Carantini est aussi avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'association Science Réunion et puis un autre directeur dans ce studio, Jean-Luc Maurice, bonjour. Bonjour. Celui de l'association Les Petits Débrouillards. Une réaction d'abord à l'épidémie d'absence de professeurs. Est-ce qu'on peut dire que la fête est gâchée, Pascal Schrapfer? Je rappelle que vous représentez l'académie. Non, pas du tout. Je pense que ça va faire plus d'un an qu'on travaille avec les enseignants, qu'il y a des référents Eclipse dans chaque établissement, que ce soit dans le premier degré ou dans le second degré. Il y a énormément de projets pédagogiques. Tous les retours, je dirais, sur site sont extrêmement positifs. Donc, on peut dire que c'est une réussite pédagogique. Malgré les annonces de fermeture? Oui, alors bien sûr. Alors après, je ne peux pas commenter les fermetures au niveau des communes, au niveau des mairies. Simplement, c'est vrai que alors il faut faire attention à une chose, c'est qu'il y a normalement donc la fonction publique, ils ont un devoir de se déclarer 48 heures à l'avance s'ils ont une intention de faire grève ou pas. Donc ça ne veut pas dire que demain les enseignants qui sont signalés susceptibles d'eux seront en grève. C'est un peu compliqué, vous comprenez bien, à gérer pour les parents. Il faut qu'ils prennent leurs dispositions pour finalement peut-être ne pas avoir besoin d'être là. Les profs grévistes, ils disent qu'il n'y a pas eu assez de concertation entre le rectorat et les mairies. Qu'est-ce que vous répondez? Je pense que bon, la concertation a été omniprésente. Je pense que dès le départ, on s'est posé la question un petit peu, évidemment, puisque ça, le premier contact a lieu au lieu de 12h20. Hein, donc c'est sûr que c'était, un horaire charnière à ce niveau-là. Les enseignants, ont été informés en fin de compte que s'ils voulaient, c'était vraiment sous le volontariat, s'ils voulaient être restés avec leurs élèves, en fin de compte, ils doivent des heures de formation. Au niveau de l'académie, que ces heures qui seraient passées devant les élèves, donc évidemment, seraient décomptées de leur temps de formation qu'ils doivent à l'académie. D'accord. Oui, donc c'était payé de toute façon, très clair. Voilà, d'une manière générale, c'était payé. Voilà. Alors, il faut distinguer les écoles fermées pour cause de grève et donc qui manquent d'enseignants et les écoles fermées sur décision du maire. Ce n'est pas la même chose, James Carantini. Alors là, moi, j'ai du mal un petit peu à m'exprimer sur cette partie-là, parce que nous, on était plutôt en amont du projet Science Réunion. Justement, c'est un projet qui a démarré il y a presque un an et demi. Donc, tous les moyens ont été mis en place pour que le maximum d'élèves puissent en profiter, le maximum de personnes puissent en profiter. Et finalement, on a sorti un livret pédagogique en début d'année scolaire pour que année N-1, les enseignants puissent travailler avec leurs élèves, donc au niveau pédagogique, avec beaucoup d'outils proposés, avec tout ce qui est recommandations. Les partenaires de ce projet ont amené aussi des moyens financiers pour qu'on équipe l'ensemble de l'académie avec des lunettes. Voilà, là c'est la partie, je dirais, Science Réunion, en partenariat avec la Mutualité et l'Académie de la Réunion. Après, Science Réunion fait des actions, elle, à son niveau, éducative. On travaille depuis presque 2 ans avec un établissement scolaire aux Avirons, et l'opération va se mener avec 600 élèves de l'établissement scolaire. On ira au bout de notre projet. Et des élèves de quel niveau? C'est collège. Collège. Et on a invité les écoles primaires, on ne sait pas s'ils seront présents, et le lycée sera présent à côté aussi. Est-ce que vous comprenez les craintes des professeurs qui se mettent en retrait, Jean-Luc Maurice? Bien sûr, on les comprend toujours, parce qu'à un moment donné, c'est vrai qu'ils sont en responsabilité directe avec les élèves. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses quand même qui ont été faites. Au fur et à mesure, il y a une espèce de crainte de regarder le soleil, etc. Enfin, oui, il y a la peur de pas savoir faire en toute sécurité ce qui doit être fait correctement. Néanmoins, tous les moyens ont été mis en place pour que ça se passe correctement. Nous, on en parle déjà depuis un an aussi. On a mis en place plusieurs outils pédagogiques. On a impliqué plus de 2000 enfants, jeunes et adultes, dans nos différentes animations. On a observé le soleil régulièrement pour permettre justement aux enfants, aux jeunes, de comprendre comment ça se passe le jour d'une éclipse. On n'a jamais eu de problème. Maintenant, c'est un peu dommage qu'on en arrive à cette situation. Alors, ça fait réagir, évidemment. Sur Facebook, je vais prendre d'abord la réaction de Richella. Sur Facebook, elle dit encore un spectacle que va nous offrir la nature. Des passionnés vont nous faire vivre ce moment exceptionnel pendant que quelques rabat-joie vont fermer l'école ou se mettre en grève pour fuir leurs responsabilités. Même l'observation d'une éclipse divise la réunion. C'est le constat que fait Richella. Et elle dit, comme disait mon papa, quitte ta boîte. Voilà, tout est dit. Oui, si je peux rajouter quelque chose, il faut voir qu'on a énormément de personnes qui viennent de l'extérieur, qui viennent du monde entier pour cet événement à La Réunion. Et je trouve que quand même, il faut mettre les Réunionnais devant ce phénomène. Il faut qu'ils en profitent. C'est un phénomène qu'ils verront une seule fois La Réunion dans leur vie. La prochaine, c'est dans 200 ans. Donc, c'est quelque chose d'exceptionnel. Les moyens sont mis. Quand on voit que l'ensemble des médias a retransmis tout ce qu'il fallait en termes de sécurité, des outils sont arrivés partout, les lunettes, on en trouve partout. Je crois que c'est un moment qu'il ne faut pas louper. À partir de quelle classe on peut s'emparer de ce phénomène pour en faire une leçon ? Alors ça, je veux dire une chose, c'est que dès la maternelle, alors l'observation directe, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce phénomène-là, il est extraordinaire, puisque évidemment, il a beaucoup de conditions pour qu'on observe une éclipse annulaire à ce niveau-là. Mais demain, le 1er septembre, sera un jour ordinaire. Je crois qu'il y a eu beaucoup de méconnaissances ou de faux savoirs scientifiques qui ont perduré, qui ont fait un petit peu dire, voilà, comme si c'était dangereux à partir de midi et quart. Il y a des enseignants qui se posent la question, voilà, mais nos élèves, s'ils vont à l'extérieur, s'ils sont dans la cour de récréation, mon Dieu, ils vont perdre la vue dans d'atroces souffrances, on va tous les perdre. Ce n'est pas du tout ça. Je pense que le monsieur, la madame, tout le monde qui est dans la rue ne risque absolument rien. D'ailleurs, c'est avéré, si vous essayez demain vers midi et demi, vers 13h, de regarder le soleil, vous verrez que très vite, vous allez baisser la tête. Mais sans les lunettes, évidemment. Sans les lunettes, sans les lunettes. Ce qui n'est pas à faire. Et là, c'est impossible. Donc il faut bien, je dirais, avoir une distinction entre la vie de tous les jours, qui ne changera pas, qui n'a pas changé d'ailleurs à ce niveau-là. Et puis l'observation. Nous, ce qu'on a mis en place, et là où il faut prendre des précautions, si on veut observer le phénomène avec des instruments. Donc c'est évidemment qu'il ne faut pas prendre de loupe, qu'il faut prendre de jumelles, ni de télescope pour observer, évidemment. Ça, c'est évidemment, là, on risque évidemment donc d'endommager gravement la rétine. Mais il y a l'observation, et puis après, il y a la vie de tous les jours. Et un enseignant qui ne voudrait pas s'impliquer dans des projets pédagogiques, il peut très bien faire cours normalement sans aucun problème. Alors le problème qui se posait, c'était la pause méridienne qui était décalée dans pas mal bien d'établissements sûr, scolaires. Tout à fait. Donc il faut s'adapter à ça et certains professeurs craignaient les bien sûr, alors, conséquences. Après comme disait Monsieur Caratini, Monsieur Maurice, ce qui est quand même, on va dire des points d'observation essentiels dans une éclipse, c'est le premier contact. Hein, c'est le contact, je dirais, au maximum. Et puis après, c'est le dernier contact. C'est ce qu'on prend. On a trois moments d'observation quand même qui est assez remarquable. Le premier contact arrive évidemment sur la pause méridienne. Donc c'est pour ça après qu'on avait demandé aux enseignants pour exploiter pédagogiquement évidemment ce phénomène, que ce serait peut-être opportun pour eux, mais pour leurs élèves surtout. Apparemment qu'il y a ce moment un petit peu, je dirais, magnifique, un petit peu particulier, qu'ils ont à proposer, qu'ils ont à partager avec leur classe. Et c'est en cela qu'on leur a demandé, si c'était possible pour eux, évidemment, d'exploiter jusqu'au bout avec leurs élèves ce moment un petit peu particulier. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'auditrices qui ne comprennent pas. On a un texto qui est tombé il y a quelques instants. Cette question, pourquoi certaines personnes, profs et mères, ne jouent pas le jeu, se rendent-ils compte du côté exceptionnel du phénomène ? Voilà ce qu'on nous dit au 06 92 70 2000. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos textos ou nous téléphoner au 02 62 99 2000 pour intervenir directement à l'antenne dans C'est dans l'actu. James Caratini, alors on va peut-être avancer là-dessus. Ouais, c'est quoi le côté exceptionnel du phénomène ? Ben, le côté exceptionnel, c'est que sur une vie, on le vit très peu et que sur la planète, ça arrive 4 à 7 fois par an dans des endroits différents, que les conjonctures, la conjoncture pour que ça soit aligné Soleil, Lune, Terre et que ça soit visible de La Réunion, ça reste un événement extraordinaire. Après, je pense que le principe de précaution a été mis en place et on arrive après dans des situations on va dire de parapluie. C'est, on peut, je pense que je peux employer ce terme-là, de parapluie. J'ai utilisé moi-même tout à l'heure. Voilà, je pense que voilà, il y a des responsabilités qui sont mises en place. Donc là, les mairies, l'académie, etc. Et c'est vrai que c'est là où on se demande, mais pourquoi ? Parce que l'homme est bien fait, personne ne fixe le soleil, jamais, puisqu'on a, on n'arrive pas à le fixer. Que jeudi, demain, dans la journée, personne n'arrivera à fixer le soleil plus que d'habitude. Que les enfants dans la cour, ils vont continuer à vivre comme ils vivent d'habitude. Et que l'événement provoqué par le matériel qu'on met à disposition leur permet effectivement de l'observer. Sinon, personne ne verra qu'il y a une éclipse pratiquement. Il y aura peut-être une petite atténuation. Alors, j'ai pas les chiffres exacts. Peut-être Jean-Luc, il est plus pointu que moi dans ce domaine-là. En termes de baisse de la température et de la luminosité. Mais on reste sur une luminosité absolue. Jean-Luc, c'est de quel ordre, Jean-Luc Maurice? Ben, la luminosité, elle devrait être à 94%. Donc, c'est vrai que. La baisse de luminosité. Oui, la baisse de luminosité. Oui. Maintenant, la luminosité en elle-même représente une certaine puissance, et ce qui fait que, d'après les spécialistes, oui, même regarder à ce moment-là sans lunettes, ça fait mal aux yeux. Donc, à partir de là, on ne va pas le faire. D'accord. Donc, concrètement, on ne sera pas plongé complètement dans le noir. Est-ce pas qu'on verra son voisin? Puisqu'on est sur une éclipse annulaire. Voilà. D'accord. Donc, à partir de là, on ne sera pas dans la nuit complète. La distance qui sera réduite? Oui, distance de vue. Oui, c'est ça. Maintenant, on n'est pas dans une nuit complète, ce qui fait que le souci de vraiment dans une éclipse totale, c'est la réapparition du soleil quand la lune bouge, évolue, et donc à partir de là ça peut être très dramatique. Là, on n'est pas tout à fait dans cette situation-là, donc ça pose moins de problèmes. Moi, je voudrais dire que c'est quand même important d'encourager les enseignants qui, eux, font tout un travail pédagogique depuis plusieurs mois, parce que là, aujourd'hui, on fait le constat, malheureusement, qu'il y en a qui, ont cette situation-là. Il y en a qui ont préparé l'éclipse, mais il y en a qui... Il y en a qui se retrouvent en situation de porte-à-faux. Et ça, c'est dommage, parce qu'ils ne pourront pas mettre en place l'observation qu'ils ont préparée du fait de cette situation de grève. Vous avez un exemple ? Il y a des enseignants, des parents qui nous appellent en nous disant qu'ils ne pourront pas regarder l'éclipse du fait qu'ils se retrouvent pratiquement tout seuls dans l'école à pouvoir faire ce genre de choses. Et ils le déplorent, donc à partir de là, c'est dommage pour eux. Éclipse scolaire ou éclipse solaire, c'est dans l'actu ce midi sur Réunion Première. C'est dans l'actu. Prenez part au débat 02 62 99 2000. 99 2000. Et à midi 30, pratiquement sur Réunion Première, on va prendre la direction de Sainte-Suzanne pour accueillir Yannick. Bonjour. Oui, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Réunion Première, on vous écoute. Voilà, ben moi, c'est un petit mécontentement, voilà. Mais pas content du tout, voilà. En fait, ben ouais, il y a un petit peu de dommage vraiment qu'une fois, c'est comme un musulman l'a dit, c'est une fois dans la Mecque, ben on part à la Mecque, quoi. Donc, ici, en plus que ça, un truc qui arrive ici, à la Réunion. Et encore, la Mecque, on peut y aller toute sa vie quand on est musulman. Voilà, le jour, il est fixé par la nature. Voilà, et quand on entend le prix aussi, voilà quoi. Et là, on se déplace pas, on fait ça à la Réunion. Empêcher les enfants de regarder, oui, il dira pas non. Ben, avec les lunettes, c'est la possibilité de regarder. Mais les communes qui prennent l'initiative de fermer, ou bien les enseignants qui prennent l'initiative de pas venir à l'école, et voilà quoi, de faire la grève. Il y en a d'autres, je vais vous faire la grève. C'est pas mal, choisis vendredi. Ou bien, je ne sais bien quoi dire, un jeu exceptionnel comme ça, il se passe un éclipse à la Réunion, bordel. Faut essayer de comprendre un peu les enfants. Moi, mes deux enfants, là, m'obliger à la sortir de la case. Obligé de la sortir chez moi pour regarder l'éclipse. Je m'étais obligé d'avoir des lunettes dans les pharmacies. Là, certaines personnes venaient de faire des dépenses pour acheter des lunettes. Là, certaines mairies l'ont donné. Là, certaines, n'importe quel organisme, il donne. Mais là, certaines personnes l'ont dépensé. Là, elle a fait des voyages. Elle a fait ceci, cela pour venir ici à la Réunion pour regarder des trucs. Mais bordel, faut arrêter. Est-ce que vous vous sentez prêt, Yannick, à expliquer le phénomène à votre ou vos enfants? Je sais pas si vous avez entendu André Tianakoun l'autre matin qui disait les parents sont tout à fait aptes à faire ça. Mais les présentateurs, oui, mais même il ne sera pas là pour être à ce jour devant les hommes, il sera dans mon boulot, mais ma femme sera là avec les autres pour faire expliquer aux autres, voilà, l'éclipse est là, regarde, les jolis à voir, c'est un truc qu'il faudra avoir. Après, là, cette personne dit comme ça que, comme la personne l'a dit sur le plateau, il ne verrait jamais personne regarder un éclipse avec les yeux nus, c'est pas possible. Déjà, essayez de vous-même, n'essayez pas de regarder le soleil, essayez de regarder un film en 3D, sans lunettes, c'est pas possible. Merci pour votre intervention, Yannick. On se rend bien compte que c'est très concret dans le quotidien des gens. Merci encore pour votre point de vue. Bonne journée à vous. Merci, bonne journée. Un autre point de vue d'un auditeur ou d'une auditrice au 06 92 70 2000. C'est marrant que ce soit les enseignants qui fassent la loi. C'est quand même l'État qui les paie. Alors, c'est donc le rectorat qui doit donner les ordres et les enseignants obéir. Bon, ça c'est, on revisite un peu le cadre social français, là. Pour aller plus loin, sur les lunettes, puisque le doute porte là-dessus, enfin les interrogations des gens, les lunettes c'est vraiment sécurisé. On a vu parfois des enfants qui bricolaient, alors dans le cadre pédagogique, hein, qui bricolaient des outils d'observation. Est-ce que c'est possible d'avoir autre chose que les lunettes officielles? Alors, Pascal Schraffer, je rappelle que vous êtes référent Eclipse au rectorat. Alors c'est vrai que à ce niveau-là, le terme de bricolage m'interpelle un petit peu. C'est-à-dire que on peut tout à fait donc observer l'éclipse par des manières, je dirais, détournées, par des observations indirectes. Et je crois que M. Maurice, le petit débrouillard, a développé quand même beaucoup, je dirais, de ces instruments d'observation indirecte. Hein. D'une manière générale, c'est que on a quand même essayé, nous, à ce niveau-là, une observation directe individuelle ne peut se faire que par des lunettes homologuées qu'on a distribuées au niveau des écoles. Ils peuvent évidemment donc s'en procurer d'autres, mais ils sont aussi homologués. Tant qu'ils ont la norme NF européenne, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Après, voilà, pour les observations, il faut faire quand même très, très, très prudent à ce niveau-là. Surtout ne pas prendre des lunettes de soleil, évidemment. Et même un filtre, des filtres, par exemple, pour des appareils à souder ou pas, c'est absolument pas adapté. Là, dans ce cas-là, il y aurait vraiment un danger. Puisque le gros problème du danger, c'est que la personne, évidemment, il aurait un amortissement, donc évidemment, du rayonnement qui arriverait. Donc, il ne serait pas ébloui. Hein, c'est dans la durée d'observation du phénomène avec des moyens de protection insuffisants. C'est ça. D'accord. Et on ne ressent pas de douleur tout de suite, c'est non, plus tard fait, que ça arrive, c'est fait, ce qu'on explique. Alors c'est vrai qu'au petit débrouillard, par exemple, Jean-Luc Maurice, vous aidez les jeunes à fabriquer eux-mêmes certains outils. Est-ce que là, ça peut être le cas? Oui, l'aspect bricolage peut être péjoratif. L'aspect, forcément, du fait de la situation, on a travaillé avec les outils qu'il faut. On a utilisé des films Eclipse, donc les films Millard standard. Millard, c'est une marque, enfin c'est compliqué, mais c'est les films adaptés à la situation. Et à partir de là, il y a deux manières de regarder l'éclipse, soit de manière directe avec des protections normales, habituelles. Je reviens juste un petit peu sur l'histoire du verre de soudeur. À partir du moment où on a des grades 14, il n'y a pas de problème, puisqu'il y a des vis éclipses qui sont normalisées au niveau national. Maintenant, il est vrai que les grades 14, il faut les commander spécialement pour ça. On n'en a pas à La Réunion. Donc là, c'est là le bémol qu'il y a par rapport à ça. Donc c'est sûr que c'est plus la peine d'aller chercher ça. Ça n'existe pas. Moi, je voudrais revenir aussi sur l'aspect pédagogique. Demain, c'est une super aventure pour les enseignants qui vont se lancer dedans. Sur quel thème? Il y a tout l'aspect pédagogique, il y a les aspects d'alignement, il y a les aspects d'ombre, de lumière, il y a une concrétisation de plein de concepts scientifiques qu'on va mesurer au quotidien. Il y a la baisse de luminosité qu'on peut mesurer, il y a ce qui va se passer en termes d'ambiance. Donc ça, c'est les aspects scientifiques et techniques, mais il y a aussi tout l'aspect relationnel à développer avec les animateurs périscolaires, avec les parents, avec tous les gens qui ont joué le jeu, qui seront là présents sur les écoles, pour ceux qui se sont engagés à le faire. Ça peut toucher aussi l'histoire. Bien sûr. La narration. Je crois qu'avec la mythologie, la narration, demander à des élèves de s'exprimer, de décrire, et puis de l'histoire aussi, de se projeter un petit peu, quels étaient les impacts des éclipses dans les civilisations anciennes et multiples. Et là, à l'heure actuelle, les éclipses ont joué quand même un grand rôle dans des faits historiques quand même assez probants. On parle au niveau des Incas, par exemple, à ce niveau-là, et même dernièrement, dans la France, je dirais moyenne, enfin dernièrement, c'est une façon de parler, mais plus récemment que les plus Incas, récemment en tout cas. Que les Incas, exactement. Non, ça a toujours quand même joué des, justement, comme ça, un effet, comme ça, bah, c'est un aspect. Regardez, là, on est au 21e siècle, et puis il y a quand même, je dirais, dans la population, je dirais, il y a quand même des contre-vérités quand même qui sont assez avérées. Alors imaginez, il y a 100 ans, il y a 200 ans, il y a 300 ans, qu'on avait affaire à ce phénomène-là. Et puis avec des prédictions qui n'étaient pas du tout du même type que maintenant. Oui, on n'était pas prévenus de la même façon, évidemment. Voilà. Il n'y avait pas autant de médias de toute façon. Et puis, juste pour terminer là-dessus, c'est qu'il y a énormément d'écoles, de collèges et de lycées qui ont fait vraiment des projets vraiment, pluridisciplinaires dessus, où il y avait donc évidemment les lettres, l'histoire-géographie, qu'il y avait aussi donc les mathématiques, la physique, la SVT. Donc il y avait vraiment un gros travail qui était interdisciplinaire à ce niveau-là. SVT, sciences et vie de la Terre. 02 62 99 2000. Bienvenue à Philippe de Saint-Paul. Bonjour. Oui, bonjour. Je rejoins tout ce que vous dites sur l'interpédagogie, c'est évident. Maintenant, il y a une chose qu'il faudrait aussi penser, vu c'est la météo, ce qui n'est pas certain, parce qu'au vu de ce qui est dit, on risque d'être sous des nuages, donc ça va au moins résoudre le problème. Par contre, moi, je voulais réagir sur les lunettes, et je peux comprendre, en tout cas pour les petites sections, etc. Moi, j'ai des lunettes, honnêtement, elles sont pas adaptées, même pour les adultes, c'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment tenir avec les deux mains. Les anses qui vont sur les oreilles sont beaucoup trop grandes, pourtant j'ai une grosse tête, donc c'est réellement pas évident si on doit encadrer les petits. Je parle pas des plus grands, mais il y a de bien coller les deux filtres sur les yeux, parce qu'effectivement ça y a de l'espace, il y a du jour, on serait tenté de lever les yeux au-delà des filtres pour essayer. Donc voilà, je trouve qu'effectivement elles sont vraiment pas bien faites et qu'on aurait pu faire un effort pour justement que ça soit un peu mieux adapté. Et je peux comprendre que pour les petits, en tout cas, ça soit difficile de veiller un ensemble d'enfants qui risquent de pas forcément les appliquer correctement. Voilà, tout simplement. Par contre, pour les profs et pour les plus grands, effectivement, je comprends pas, parce que c'est une occasion, comme vous dites, ça sera l'histoire, l'astronomie, ça fait pas penser à plein de choses, à tous ceux qui ont vécu l'épopée spatiale ou qui suivent un petit peu. Voilà, ça peut même donner des vocations à certains. Bon, voilà, c'est toujours dommage qu'un enseignant qui est au service de l'apprentissage des enfants puisse échapper à son devoir d'apprentissage. Voilà. Merci Philippe. Alors c'est sans doute un enseignant, j'imagine, qui vous répond ça par texto 06 92 70 2000. Combien de vos invités ont 30 enfants en charge? C'est cool de parler pour les autres. Voilà, James Caratini. Moi j'en aurai 100 demain. Sur un spot, on a rassemblé une centaine de personnes. Où et ça on sera à 3 bassins sur le spot de surf. Donc on a 100 personnes qui sont attendues, on les accueille. Alors effectivement, on est 5 à les accueillir. On a prévu une équipe. Quel âge les participants? Tous âges et familles, parce que justement, on a bien compris. Et je rebondis un peu sur le commentaire du monsieur qu'on a eu tout à l'heure. C'est que du coup, lui, il travaille et il ne va pas pouvoir s'occuper des enfants. Yannick de Sainte-Suzanne. Yannick, voilà. Moi, je remercie Yannick sur son intervention, parce qu'il a mis le doigt sur quelque chose d'important. C'est qu'effectivement, et on rejoint aussi la dernière intervention, c'est qu'on a un rôle pédagogique, il faut le tenir. Les enfants qui vont être livrés à eux-mêmes chez eux, franchement... Et regarder la télé pendant qu'il y a une éclipse. Hein. Non, puis voilà. Ça casse toute cette dynamique qui s'est mise en place. Et en deuxième intervention sur les avirons, on a 600 élèves. Alors je pense qu'il y aura pas mal d'enseignants, mais voilà, il y a plein d'opérations comme ça sur toute l'île. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont impliqués avec des groupes. Alors effectivement, 30 élèves. Mais quand un prof est sur le stade avec ses élèves, un prof de PS, il a 30 élèves. Et c'est pas plus. C'est une intervention qui va être différente. Elle sera plus historique, éducative, histoire, géo, maths, toutes les matières. Mais le nombre d'élèves, pour moi, il importe peu. C'est le moment où ils sont bien préparés et qu'ils ont le matériel qu'il faut. Et moi, pour. Pascal Schraffer. Voilà, pour rebondir à ce niveau, parce que j'ai en charge l'enseignement de la physique-chimie au niveau collège et lycée dans le cabinet de La Réunion. Et je veux dire, quand l'enseignant de chimie fait un TP avec 22, 24 élèves où les élèves utilisent de l'acide sulfurique, de l'acide nitrique, je pense qu'il y a beaucoup plus de risques de dérapage que lorsqu'on a une éclipse annulaire comme demain. Ouais. On va voir. Ça, c'est la réalité, ça? Ah, ça, c'est la réalité, ça. Ouais. Y a Stéphanie au 06 92 70 2000 qui nous demande: l'événement ne sera-t-il visible que des écoles, parce qu'on parle des mairies et des enseignants comme des rabat-joie qui feront rater l'éclipse? Les élèves ne pourront pas l'observer avec leurs parents? Alors, c'est un peu la question qu'on a posée tout à l'heure, Jean-Luc Maurice. Oui, l'histoire des 30 élèves, je rebondis dessus, mais simplement pour répondre à cette question, nous, demain, on sera sur la Trinité, et de fait, on aura des parents et des élèves qui vont venir parce qu'ils ne peuvent pas le faire dans leur école. Donc, il n'y a pas de souci, il y a plein de points de chute qui ont été mis en place sur l'ensemble de l'île, et les gens sont bien sûr, tous les gens sont bienvenus, bien sûr les bienvenus, même les enseignants qui ne seront pas sur leur poste peuvent venir pour observer l'éclipse, parce que c'est un moment à partager en commun. Moi, je voudrais revenir simplement sur l'histoire des 30 élèves. Là, nous, on est intervenus dans plus de d'une cinquantaine des classes depuis le mois de mars. Bah, quand on intervient dans une classe, on sait bien comment ça se passe. Il y a l'enseignant qui est là, et puis il y a l'animateur. Et ben, on n'a jamais eu de problème à regarder le soleil avec les lunettes éclipse, avec le télescope, et faire de la pyrogravure solaire qui est hyper intéressant. C'est aussi une approche artistique. Et ben, on n'a jamais eu de soucis particuliers. Donc, c'est possible. Je voulais savoir comment on explique une éclipse comme celle-là aux enfants, avec quels mots, pour être simple, parce que c'est très compliqué quand on est scientifique. Comment on fait ? Ben, on utilise tout ce qu'on a sous la main, à la fois des globes terrestres, bien sûr, de la lumière. Déjà, il y a un élément important, c'est la motivation des enfants. Ça bascule déjà les difficultés de compréhension qui peuvent naître. Et puis aussi la solidarité de connaissance aussi au sein des enfants, qui fait qu'à un moment donné, l'envie de faire, l'envie de savoir, l'envie de comprendre, eh bien, on organise un travail de groupe, et puis ça travaille en petits groupes. Moi, je suis intervenu sur des classes par cycle, parce que les écoles étaient trop petites pour avoir plusieurs classes. Eh bien, c'était hyper intéressant de travailler avec les différents cycles, enfin les différents niveaux dans les classes, et il y a cet aspect de solidariser, d'apprentissage des contenus au sein de la classe. Et il y a plein de petits trucs pour faire. On peut utiliser du carton, des boules, des lampes de poche. Il y avait très, beaucoup de choses à faire. Je vous emmène du côté de Saint-Joseph, si vous le voulez bien, maintenant. C'est Rosemay qui habite là-bas et qui nous appelle au 02 62 99 2000. Bonjour, Rosemay. Oui, bonjour. Voilà, je voulais dire simplement quelque chose, quoi. Cette éclipse est importante. Il y a un gros problème de salubrité publique. Comment fait-il qu'on n'ait pas de lunettes, qu'on ne puisse pas en acheter, qu'on ne puisse pas en trouver suffisamment. Il y a des opticiens qui ont distribué, tels que la mutualité. Il n'y en a plus. Depuis lundi, il n'y en a plus. Et bon, les journaux, le journal de Lille, pour ne pas le citer, en a mis aussi à disposition. Bon, mais les gens se jettent dessus. Mais après, où est-ce qu'on en trouve des lunettes ? Alors, bonne question, effectivement. Où trouver des lunettes avant le jour J, demain ? Ben oui. Pascal Schraffer. Oui, non, mais... Merci pour cette question, Rosemay. Oui, oui, merci. Je suis un petit peu surpris, parce que j'avais vu un petit peu que dans beaucoup de commerces, on distribuait des lunettes, même gratuitement, à partir d'une certaine somme d'achat. Dans les stations-service également, il y a dans les pharmacies aussi également. Il y avait aussi donc les mairies aussi qui utilisaient ça. Et puis, à la limite, s'il n'y a pas, ils peuvent toujours, je dirais, alors dans les limites du possible, parce que je ne sais pas un petit peu les stocks, mais au niveau des inspections pédagogiques, dans les circonscriptions, qu'ils avaient des petits stocks. Alors, je ne sais pas un petit peu ce qu'il en reste ou pas. Merci Rosemay, pour cette question. Oui, simplement aussi dire qu'il y a bien sûr les lunettes pour observer l'éclipse. Maintenant, il y en a plus de 700 000 qui ont été commandées sur la Réunion. Donc, ça représente quand même un chiffre assez conséquent. Maintenant, si vous n'en avez pas, vous pouvez toujours fabriquer un sténopé. C'est une boîte en carton. Vous percez un trou, vous mettez un bout de calque à l'opposé et vous allez avoir la projection du soleil sur le bout de calque. Bah, ça ne sera pas assez sûr, le même confort que les lunettes éclipse, mais c'est tout à fait possible. Et sans danger. D'accord, vous avez compris, Rosemay, la technique. Mais comment on fait avec un carton, là ? Vous prenez une boîte de chaussures. Mais le mieux, c'est de regarder une grande boîte en carton, une boîte de chaussures. Oui. Et vous regardez sur Internet, vous tapez sténopé, vous allez avoir toutes les formules possibles pour fabriquer des sténopés. Donc, il suffit de percer un trou d'un côté et vous mettez une feuille de calque de l'autre côté. Vous pouvez bien trouver ça avec vos enfants. Et vous allez avoir la projection du soleil sur la feuille de calque. Ben, c'est le principe de l'appareil photo. D'accord, il n'y a pas de danger. Il faut prendre pas n'importe quel papier calque, j'imagine. Non, il n'y a pas de souci. C'est juste la projection de la lumière sur le calque. Il faut faire attention à une chose. On ne regarde pas le soleil à travers le papier calque. Hein. On regarde la projection. Voilà. C'est en sens inverse. C'est bien ce qu'il faut expliquer. Hein. Tout à fait. Ouais. C'est en sens inverse. Dans le même sens, il y avait quand même... je crois qu'il y avait une éclipse de soleil à La Réunion en début du XXe siècle. Et les gens, ils regardaient ça par observation directe dans des bassines d'eau. Donc des grandes bassines d'eau. Et ils regardaient donc la projection du soleil sur ces bassines d'eau. Oui, j'ai vu ça aussi. Voilà. D'accord. Merci en tout cas pour cette question, Rosemay. On a une enseignante qui nous dit « Je suis enseignante dans les Hauts-de-l'Ouest et je ferai participer ma classe à cet événement exceptionnel demain. Mes collègues et moi, nous nous sommes débrouillés pour que tout se passe bien avec des observations directes et indirectes. » Voilà, un message positif. Bravo. Si je peux rajouter, il y a aussi le côté informatique. On a mis en place des observations qui seront relayées par les chaînes YouTube. On retrouve ça sur le site académique, on retrouve sur le site des Petits Débrouillards, on retrouve sur le site de Science Réunion, on retrouve ça sur le site de l'Observatoire de Paris. Les gens qui vont peut-être se retrouver coincés quelque part pourront par le biais de l'Internet, observer cette éclipse. On fait un événement mondial, du coup, accessible pour tous, partout, en espérant que tout fonctionne bien, parce qu'on est aussi dans des technologies particulières de renvoyer du YouTube partout. Quoi. En même temps, ça risque de bloquer un petit peu par moment, il faudra être patient. Donc je conseille aux gens qui vont être sur cette thématique-là de passer par l'Internet, de se connecter un petit peu avant, et de garder en mémoire l'URL de la page pour ouvrir la page au bon moment. Quoi. Mais de l'avoir déjà ouverte avant. Quoi. Je voulais vous demander pourquoi le spot de trois bassins. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier? Non, du tout. C'est un travail qu'on fait. Moi, j'ai des partenariats avec l'OTI de l'Ouest depuis pas mal d'années. On fait pas mal d'opérations ensemble en festival. Et voilà, ils m'ont demandé si je pouvais monter une opération à caractère touristique, principalement, sur un spot qui fait partie du TCO, tout simplement. Donc, ils ont prévu là parce qu'il y a de la place, il y a un parking, on peut accueillir du monde et on fait une mise en place pour bien accueillir les gens. Quoi. Et par rapport à la zone d'observation, on sait que c'est Saint-Louis le mieux placé a priori, Saint-Denis un peu moins. Voilà, il y a quand même la ligne de centralité qui va passer à 15 km au large de Saint-Pierre. C'est la ligne vraiment où on a l'éclipse totale parfaite. Après, plus on se décale, plus elle sera un petit peu, elle sera plus tout à fait centrale. Voilà. Et sur le cône de centralité, effectivement, on va dire que du port jusqu'à Saint-Pierre, plus on va être sur la partie ouest, ça sera intéressant, partie sud. Et on la verra partout sur l'île, mais pas la même façon. Quoi. Et à Saint-Denis, donc, c'est vrai qu'on voit sur les cartes hein, qui sont parues dans la presse. Oui, nous, on est officiellement dans une éclipse partielle, mais une éclipse partielle à 90%. Alors, profitez d'un tel spectacle. On ne va pas pinailler. Non, absolument pas. Oui, puis on ne peut pas déplacer toute l'île. Qu'est-ce que vous proposez aux personnes qui sont avec vous, Jean-Luc Maurice? On sort tout notre matériel, tout notre mazar qu'on a travaillé depuis 6 mois, des supports d'observation indirects, on a des gros solarscopes qu'on a fabriqués spécialement pour l'occasion, des gros sténopées dont je parlais tout à l'heure, qu'on a essayé d'inventer, de customiser, etc. Et puis, bien sûr, les télescopes habituels. Une caméra qui nous permet aussi de projeter l'éclipse sur un écran, etc. Donc, on sort tout notre matériel. Un dernier mot, Pascal Schrapfer. Oui, James Caratini. Ouais, j'ai quelques petits conseils. En tant que photographe, je me suis intéressé à la prise de vue. Et répondre, peut-être, je m'excuse de vous couper, mais une question qui est tombée il y a quelques minutes. Est-ce qu'on peut regarder l'éclipse avec un masque à souder? Oui, grade 14. Si c'est pas grade 14, il ne faut pas utiliser. Voilà. Donc, là, c'est très important. Monsieur Schrapfer l'a dit tout à l'heure. Les verres de soudeur sont pas adaptés à la Réunion pour les grades 14. Donc, si c'est un appareil qui est acheté à la Réunion, faut pas l'utiliser. D'accord. Et on le voit, c'est marqué dessus. Normalement, c'est marqué. Oui. James Caratini. De toute façon, quoi qu'il en soit, toutes les observations directes doivent être protégées. Voilà, ça c'est vraiment que ça soit par télescope, que ce soit par appareil photo, que ce soit en direct avec des lunettes. Tout doit être protégé. Les seules méthodes pour observer sans ces éléments de protection, c'est l'indirect. On ne regarde pas du tout le soleil et on récupère sa projection de différentes manières. Donc Jean-Luc a parlé tout à l'heure, M. Schrapfer aussi. Mais tout ce qui est direct doit être protégé. Donc n'allez surtout pas avec un appareil photo, essayez de prendre le soleil en photo sans protection devant l'appareil. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission pour sensibiliser nos auditeurs à cette éclipse, à ses risques éventuels et puis surtout à l'intérêt que ça représente. Pascal Schrapfer, référent éclipse au rectorat, James Caratini, directeur de l'association Science Réunion et son homologue de l'association Les Petits Débrouillards, Jean-Luc Maurice. L'éclipse solaire, vous la vivrez en direct demain sur votre radio. Réunion Première, c'est dans l'actu, sera en direct du village Éclipse à l'étang du Gaule à Saint-Louis. 10h midi, les experts avec Claude Montagnier. Le souci, c'est que je cherche un mode de garde qui me conviendrait. Je préférerais assistant maternel à domicile. Vous pouvez passer ma signe sur le dos pour connaître ce que c'est le problème. Est-ce qu'il a le droit à un petit affaire? Qu'elle prenne contact avec la CAF. Vraiment, les émissions que vous faites aident beaucoup de personnes. Les experts avec Claude Montagnier, du lundi au vendredi de 10h à midi sur Réunion Première. L'éclipse annulaire de soleil du 1er septembre 2016 sera un événement exceptionnel. Elle sera visible à La Réunion de 12h20 à 15h40. Attention, le soleil ne peut être observé directement qu'en utilisant des filtres spécialement conçus pour protéger les yeux. Le port de lunettes spécifiques constitue un moyen simple et sûr pour observer l'éclipse. Ces lunettes sont des équipements de protection individuelle et doivent être conformes aux dispositions prévues par les directives européennes et porter le marquage CE de conformité. Première.

a paradise. And here's our war zone. Pillow talk. My enemy, my ally. Prisoners. Then we're free. It's a thin line. I'm seeing the pain, seeing the pleasure. Nobody but you, body but me, body but us, bodies together. I love to hold you close tonight and always. I love to wake up next to you. So we'll piss off the neighbors in the place to feel the tears, the place to lose your fears. Yeah, reckless behavior, a place that is so pure. C'était Zayn sur Réunion Première, Pillow Talk. Dans quelques instants, c'est le retour de l'information avec la rédaction de France Info. D'ici là, voici l'EFA. Rappelle-la. C'est vrai qu'en preuve d'amour, je suis pas le plus généreux. Est-ce de la pudeur ou de la gêne? Peut-être que c'est les deux. Peut-être que j'ai pas vu assez de films ou de séries. M'en veux pas si je te dis pas assez, je t'aime, ma chérie. No. Tu me connais, les mots doux, c'est pas mon fort. Et je suis pas du genre à passer mes journées sur mon phone. Je sais que je peux être blessant. Je dis des choses quand le ton monte, que je regrette quand il redescend. Et t'attendais que je passe la porte pour fondre en larmes. Je sais que tu m'as haï du plus profond de ton âme. Oui, notre flamme ne brille plus de mille feux, mais ton retour reste mon unique vœu. Y'en a pas deux comme elle, tu ne peux pas l'oublier. Il te faut deux ailes si tu veux t'envoler. Décroche ton téléphone, ne laisse pas tous vos efforts s'en aller. Tu ne peux pas l'oublier, rappelle-la. Demande de mariage à genoux. Non, y'avait pas de ça entre nous. J'espérais t'offrir un bel avenir, avec ou sans lune de miel à Venise. Au lieu de ça, t'as fait tes valises, ouais. En oubliant ton bracelet Tiffany's, ouais. Oublie nos disputes, c'est rien ça. J'avais un cœur de pierre, t'en as fait des grains de sable. Et t'attendais que je passe la porte pour fondre en larmes. Tu sais que je m'en suis voulu au plus profond de mon âme. Mais t'as supporté mes défauts. Mes défauts. Pour moi, t'as fait tellement d'efforts. Y'en a pas deux comme elle. Tu ne peux pas l'oublier. Il te faut deux ailes si tu veux t'envoler. Décroche ton téléphone. Ne laisse pas tous vos efforts s'en aller. Non, tu ne peux pas l'oublier. Rappelle-la. Rappelle-la. Sur Réunion Première, voici le journal de France Info. Marque, c'est leur rentrée des classes ce mercredi entre stress pour les plus jeunes et réforme contestée du collège, on va y revenir. Daesh perd une de ses têtes pensantes, Abu Mohamed al-Adnani, chef de propagande, il a été tué en Syrie. Et puis comptez moins de 100 dollars pour relier la Floride à Cuba. Grâce au tout premier vol commercial entre les deux pays, il a lieu aujourd'hui et c'est historique. France Info. Emmanuel Macron a donc filé la métaphore pour dire adieu à Bercy ce matin. Je me devais de prendre la mer avec une embarcation résolument plus frêle, mais avec un cap et une volonté de prendre ce risque. Emmanuel Macron a pris le large, au propre comme au figuré, lui qui a quitté le ministère en navette fluviale hier après-midi. Ce matin, c'était la passation de pouvoir officielle. Il a transmis son portefeuille de l'économie à Michel Sapin. Emmanuel Macron qui a salué son équipe de Bercy et défendu son bilan. Que n'avons-nous entendu lorsque nous avons commencé à nous intéresser à la réforme des prud'hommes? Quand les autocars dont on a tant parlé ont commencé justement à être un sujet ouvert. Là où moi-même, lorsque j'étais dans l'administration, il y a plus de 10 ans, on disait qu'il fallait le faire. Et que d'autres rapports bien avant l'avaient déjà dit. les professions réglementées, du droit comme du chiffre, le travail du dimanche, ce sont autant de sujets pour lesquels, parce que ce ministère s'est engagé, parce que vous vous êtes engagé dans les services, dans les cabinets, nous avons pu faire avancer les choses. Nous n'avons pas tout réussi, nous n'avons pas tout terminé, et c'est qu'il reste beaucoup de choses à faire, cher Michel.